Yo, Coquesse Metto, PGX, La Maurice, Urban Lyrics, Pagneux, 9-2, les vents j'perds, ou peut-être niquer ta mère. Coquesse Metto, j'arrive, j'rappe pour les miens. 9 de 220, cahier un stylo, j'active mes pensées pour faire un rap sensé, un rap posé. Eh les mecs, pensez pas à dealer, construisez votre vie, tombez pas dans la thermie. Trop de mecs tombent pour de la chenouve de chez à peine ressorti. Ils y vont, et ouais mec la zonzon, direct c'est ta deuxième maison. En 4 murs en béton, pas la belle ville, ni le paradis, c'est plutôt la thermie. Enfermé, t'as qu'une chose à faire, c'est penser à tes potes qui galèrent dans la cité. Ou attendre de sortir pour que tu tapes des chiffres. Okay. Et ouais mec, t'aurais jamais du cricket. Savais pas que les keufs te préparent un guet. Te prenais en photo en train de vendre tes barrettes. Te faire des thunes, ils ont attendu le bon moment pour faire manger le bitume. Mec, écoute mon rap sensé, mon rap posé. Pense pas à dealer, construis ta vie, tombe pas dans la zermie. Mec, écoute mon rap sensé, mon rap posé. Pense pas à dealer, construis ta vie, tombe pas dans la zermie. Mec, écoute mon rap sensé, mon rap posé. Pense pas à dealer, construis ta vie, tombe pas dans la zermie. Urban Eric, ça. Je m'inspire des histoires qui se passent dans ma cité. Des mecs qui dealaient, qui se retrouvent à Nanterre, bâtiment B. Pour où j'ai une pensée, à cette heure-là ils sont enfermés. Pendant que moi je galère dans la cité, à rapper, à balancer mes lyrics. Pour représenter ma ville, PGX, c'est ma cité, la police. J'en place une pour Ita Pironel, serre de JMS, MOU2SM. Store, Louis, Jérémy, Loulou, Bern, Cemilio. Tous des mecs qui viennent du 92, 2-2-0, des Perranches jusqu'à la Maurice. J'arrive et j'arrache tout sur la piste. Montre que j'suis Al, j'fais pas partie de la bande qu'on surnomme les racailles. J'suis pas une pédale, mais un rappeur. J'arrive avec mes paroles, j'vous fais peur. J'suis pas un cricketeur, t'es dealer, c'est pas mon délire. Mec, écoute mon rap sensé, mon rap posé. Pense pas à dealer, construis ta vie, tombe pas dans la zermie. Mec, écoute mon rap sensé, mon rap posé. Pense pas à dealer, construis ta vie, tombe pas dans la zermie. Mec, écoute mon rap sensé, mon rap posé. Pense pas à dealer, construis ta vie, tombe pas dans la zermie. Ouais, c'est le dernier couplet, j'arrive pour tout péter. Reposant MCP, mec, si t'es perdant, je vais sur le terrain derrière. Tu verras que ça criquait grâce à sa mère. Devant, c'est la même galère. Ça roule en TTR, ça crame des chops. Les condés, on les fend. Ça sent la PTF, la mine, la EBG. À Bagneux, on est là pour tout arracher, tout niquer, tout brûler. Et montrer qu'il y a du monde dans le RAP. Ça soit la pierre, on venge, père, on cuve tard. On te balance un son qui te fout la barre. Il craque ton G-Star, qui explose ton costard. Ce son, je le casse dédié à 9 de Ghetto Star. Anti-condé, anti-bâtard. C'est pour les fêtards qui se couchent tard. Urban Lyrics, c'est y'a pas de hasard. Et les mouchards, c'est le traquenard. C'est pas un son pour les connards. Mec, écoute mon rap sensé, mon rap posé. Pense pas à dealer, construis ta vie, tombe pas dans la zermie. Mec, écoute mon rap sensé, mon rap posé. Pense pas à dealer, construis ta vie, tombe pas dans la zermie. Mec, écoute mon rap sensé, mon rap posé. Pense pas à dealer, construis ta vie. Tombe pas dans la zermie.